Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission « Connaître ensemble », l'émission des étudiantes en pratique sage-femme. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée très impliquée dans le milieu de la périnatalité, Madame Hélène Vadeboncœur. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui aborder son livre « Une autre césarienne ou un accouchement naturel, s'informer pour mieux décider ». Nous allons aussi parler de sa thèse de doctorat sur l'humanisation des naissances et ses projets en cours, car elle est toujours très active dans le milieu de la périnatalité. Alors, Madame Vadeboncœur, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui a inspiré votre implication en périnatalité? Bien, évidemment, la naissance de mes enfants a joué un rôle très important. Et aussi, je suis d'une génération où il y avait un mouvement social autour de l'humanisation de la naissance. Donc, j'ai fait partie de ce mouvement-là. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire dans le domaine, j'ai jamais arrêté de travailler dans ce domaine-là. Alors, c'est ça, vous avez beaucoup travaillé autour du terme de l'AVAC. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour les auditeurs aussi, qu'est-ce que ça veut dire l'AVAC? A-V-A-C. Un AVAC, c'est l'acronyme pour accouchement vaginal après césarienne. À l'origine, c'est une Américaine qui a écrit le premier livre sur l'AVAC, qui avait un titre lapidaire qui s'appelait Silent Knife. Et elle avait intitulé ça Vaginal Birth After Cesarean. Et ce titre-là a été traduit par une infirmière qui est maintenant professeure en sciences infirmières, Viola Palomino, accouchement vaginal après césarienne. Alors, c'est de là que ça vient. Oui. Vous présentez en fait un deuxième ouvrage sur les AVAC et donc j'ai nommé le titre « Une autre césarienne ou un accouchement naturel, s'informer pour mieux décider ». Après votre livre « Une autre césarienne, non merci », quelles modifications ont été faites par rapport au premier? Ben, disons que le premier avait un titre assez affirmatif et à ce moment-là, je le faisais beaucoup comme femme qui avait vécu cette expérience-là pour montrer que cette option-là était faisable, que c'était possible d'accoucher naturellement après une césarienne. Donc, j'étais extrêmement convaincue. Mais ça a pu avoir pour effet, ce titre-là, d'effrayer les femmes qui n'étaient pas sûres, qui n'étaient pas décidées, finalement. Donc, j'ai décidé de modifier le titre pour ouvrir, pour que les femmes qui s'interrogent, qui se posent des questions, mais qui n'ont pas nécessairement décidé ce qu'elles veulent faire après une première ou une deuxième césarienne, puissent se sentir peut-être plus accueillies. Est-ce que votre façon d'aborder l'AVAC est différente? Est-ce que votre façon de le voir est différente dans ce livre-ci? Non, le fond est absolument pas différent. C'est bon, c'est intéressant de le savoir. Ouais. Alors, en entendant parler de ce livre-là, il y a des couples qui pourraient se poser la question, lorsqu'un accouchement précédent s'est soldé par une césarienne, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour savoir si le prochain peut être un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne? Ouais, quelle question on doit se poser finalement? Oui, c'est ça. On pense que l'AVAC, maintenant, il a connu une hausse dans les années 90 du nombre de femmes qui avaient des AVAC. Maintenant, il y a une baisse, mais c'est beaucoup à cause des politiques restrictives et des associations médicales et des hôpitaux. Donc, on s'imagine, oh mon Dieu, c'est épouvantable, c'est dangereux, etc. La première chose qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'accoucher, de donner naissance moi-même à mon enfant? Ça serait une première question. Où trouver un environnement et des intervenants favorables qui vont me soutenir là-dedans, parce que c'est un élément très important quand on vit un AVAC. Et aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans le chemin par rapport à moi et avoir un AVAC? Donc, avant là, de sauter sur la question du risque, etc., pour moi, c'est vraiment des questions, c'est beaucoup plus important parce que presque toutes les femmes peuvent avoir un AVAC. C'est pas compliqué, là. Il y a un petit risque, il y a un risque qui peut varier un peu dans telle situation, mais presque toutes les femmes peuvent avoir un AVAC, donc... Et de toute façon, c'est pas sans considérer... il faut considérer que la césarienne, une deuxième césarienne aussi comporte plusieurs risques. Et dans notre société, on veut dire La tendance est vraiment d'ignorer beaucoup les risques reliés à la césarienne. C'est rendu tellement fréquent que ça en est banalisé. C'est comme si on allait se faire faire un plombage dentaire alors que c'est une opération abdominale majeure. Donc, il y a des risques aux deux façons. C'est pas compliqué. Souvent, on les ignore. Alors, j'ai écrit un livre pour présenter les risques et les avantages de la VAC et les risques de la césarienne. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns, ceux par rapport à la césarienne, ceux par rapport à la VAC, les principaux pour chacun? Bien, évidemment, bon, l'avantage de mettre son bébé au monde soi-même, c'est énorme pour beaucoup de femmes. En termes de confiance? En termes de confiance, de reprendre confiance dans son corps, aussi le contact avec le bébé, qui c'est pas la même chose qu'avec une césarienne. Et le risque, c'est le risque de la séparation de l'incision utérine. C'est ça le risque principal, oui, qui pose un danger pour la mère et le bébé. Mais ce risque-là est d'autour de 0,5 à 1 % quand l'accouchement est spontané, se déroule normalement. Donc, c'est pas, ça laisse quand même 99,5 % de chances que tout se passe bien. Tandis que pour la césarienne, il y a des risques pour la mère qui sont plus importants. Même si elle est rare, il y a quand même des femmes qui meurent d'une césarienne. Et ça arrive au Québec. On n'en entend jamais parler, mais ça arrive. Il y a des risques de complications reliés à l'anesthésie, à la chirurgie, de l'infection post-opératoire, d'hémorragie. Je veux dire, il y en a beaucoup. Et c'est pas sans risque non plus pour le bébé. C'est un mythe de dire que, oh mon Dieu, c'est dangereux pour les bébés d'accoucher vaginalement, alors que c'est très sécuritaire pour la césarienne. Les études montrent que non, ce n'est pas vrai, ça. Alors... les sages-femmes peuvent-elles suivre les femmes qui veulent avoir un AVAC en maison de naissance ou à la maison? Au Québec, les sages-femmes n'ont pas de contre-indication dans la liste des critères. Elles peuvent. Certaines sages-femmes ou certaines maisons de naissance ne se sentent pas à l'aise par rapport à ça. Mais il faut considérer l'ensemble de la situation. Il faut considérer qu'une femme accouche vaginalement après une césarienne, ça réduit les risques postérieurs, en particulier si elle veut avoir d'autres enfants. Il faut considérer aussi sa situation à elle, le niveau de risque qu'elle a, parce que ce niveau de risque peut varier selon les femmes. Il faut considérer les ententes avec les hôpitaux, les arrangements qui peuvent être faits. Donc, c'est pas oui absolument ou non absolument, c'est de voir. Parce que, de toute façon, dans les hôpitaux, oui, on essaie, en cas d'urgence, de faire une césarienne le plus tôt possible, mais c'est pas vrai qu'on peut toujours faire une césarienne exactement au moment qui est absolument nécessaire. C'est la même situation pour la VAC. On souhaite qu'on puisse faire une césarienne rapidement, mais ça peut varier. Et puis, par exemple, au niveau de la césarienne, vous avez aussi beaucoup travaillé sur la césarienne en tant que telle. Des parents qui se feraient dire, OK, nous devons avoir une césarienne prévue par un médecin. Quelles questions peuvent-ils poser à ce médecin-là ou comment est-ce qu'ils peuvent savoir la nécessité d'une césarienne? Bien, ils devraient aller chercher une seconde opinion. Ça, c'est absolument important. À moins, bon, que ça... Mais que ça se passe pendant le milieu du travail, puis là, c'est urgent, c'est une autre question. Mais s'ils ont le temps, aller demander à un autre médecin son avis. Puis ça même, je veux dire, il y a une étude en ce moment qui se déroule sur la baisse des taux de césarienne au Québec, dont je fais partie, et je veux dire, une des choses qu'on préconise dans les milieux hospitaliers, c'est aller chercher un deuxième avis. Donc, c'est quelque chose d'important. Puis, je veux dire, de lire mon livre. Il y a un livre qui vient de paraître aux États-Unis sur les dangers de la césarienne qui est extrêmement intéressant aussi. Je veux dire, maintenant, on a accès à de l'information pas mal plus qu'avant. Il y a le site français Césarienne. On peut aller... aller chercher son information, ouais, ou revalider, reconfirmer. Oui. Ouais. Et puis, on parle... dans nos cours, par exemple, qu'on assiste à une recrudescence du nombre de césariennes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation du taux de cette chirurgie majeure? Bon, la césarienne, à part quelques années pendant les années 90, elle n'a pas cessé d'augmenter, le taux de césarienne. Donc, depuis les années 90, c'est en hausse? Non, c'est en hausse depuis toujours, sauf par quelques années. Pendant les années 90, ça a baissé un peu, c'est tout, mais ça remonte, ça continue de remonter. Il y a bien des facteurs, puis les facteurs les plus importants, je dirais, c'est pas nécessairement relié à l'état de santé des femmes. Je veux dire, on dit « Ah, les bébés sont plus gros, les femmes sont plus vieilles, ci, ça », mais les femmes sont pas si vieilles que ça quand elles donnent naissance, là. Elles ont peut-être, pour la première fois, 2-3 ans de plus qu'elles avaient il y a une vingtaine d'années. Les gros bébés, bon, les gros bébés, ça passe, là, je veux dire, c'est beaucoup des facteurs de commodité et liés à la peur des poursuites. Malheureusement, on tend à valoriser dans notre société ou dans les milieux médicaux ou des assurances le fait, quand il y a une césarienne, il n'y a jamais de problème. C'est quand il n'y en a pas que sur le plan des poursuites, ça peut. Donc, comme on considère que la césarienne ne présente pas de risque de problème, ben un médecin qui en fait une risque pas d'avoir des poursuites, mais quand il en fait pas, par exemple, c'est une autre paire de manches. Alors qu'avant, c'était le contraire. Il y a 30 ans, il fallait que les médecins se justifient de faire des césariennes. C'était pas pris pour acquis. Et on parle aussi parfois d'une mode. Y a-t-il vraiment une mode de césarienne élective? C'est un phénomène qui a été essentiellement grossi par les médias. C'est pas vrai dans les chiffres. Il y a des études qui l'ont montré que il y a de plus en plus de femmes qui demandent une césarienne sans raison médicale. C'est faux. Je veux dire, ça a été le Collège américain des obstétriciens gynécologues a été assez libéral à ce sujet-là, donc ça a comme donné le ton. Les journaux américains ont commencé à dire « Oh mon Dieu, les femmes demandent de plus en plus de césariennes sans raison médicale », mais il n'y a pas d'études qui montrent ça. C'est parce que quelques vedettes ont choisi d'avoir une césarienne, ça ne veut pas dire que les femmes elles-mêmes vont se précipiter. Il y en a, oui, ça arrive, qui vont le faire, mais ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas la cause de la hausse du taux de césarienne, absolument pas. Oui, oui. Donc, vous avez expliqué le facteur, par exemple, des poursuites, parce qu'on... Il y a moins de risques de poursuite s'il y a eu intervention que s'il n'y en a pas eu, qu'il y a eu complication. À l'intérieur des hôpitaux, en fait, vous l'abordez aussi, on va en parler aussi après la pause. Mais justement, quels sont les facteurs qui font en sorte qu'il y a probablement d'autres facteurs que cette peur de la poursuite? Bien, il y a la commodité, comme je disais. Je veux dire, c'est beaucoup plus pratique de savoir quand une femme va, quand son bébé va venir au monde que de ne pas le savoir, puis que ça puisse se passer en plein milieu de la nuit, les fins de semaine, le jour de Noël ou n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un facteur. C'est pas un facteur financier au Québec, parce qu'il n'y a pas de grande différence entre la rémunération pour les césariennes ou pour les accouchements vaginaux, mais c'est beaucoup plus... C'est plus commode, oui. Malheureusement. Mais au final, ça a quand même un coût sur le système de santé, absolument. J'imagine. Oui, absolument. Parce qu'un accouchement vaginal, je sais pas, on n'a peut-être pas les chiffres devant nous, mais on peut s'imaginer que... L'Institut canadien d'information sur la santé avait estimé qu'une césarienne coûtait, je pense, c'était 60 % de plus qu'un accouchement par voie vaginale. Moi, je pense que c'est facilement ça, sinon plus, parce qu'il n'y avait pas nécessairement tous les coûts reliés. Puis aux États-Unis, la différence entre les coûts des accouchements vaginaux et césariennes est très, très grande. Ça peut aller jusqu'à plusieurs fois le coût d'un accouchement vaginal. Et est-ce qu'aux États-Unis aussi, ils assistent à cette augmentation du taux de césarienne tout de même? Nous, on suit les États-Unis. ça ressemble. Alors, Mme Vadeboncœur, nous allons continuer après la pause en abordant des questions sur votre thèse de doctorat qui était sur l'humanisation des naissances. Nous revenons tout de suite dans quelques minutes. On va écouter Alexandre Desilets, un jeune chanteur montréalais, avec sa chanson « Éphémère » de la compilation « Québec émergent. de regarder les taches d'un. Dans une d'elles, je vois cacher en plein en son centre un misérable papillon blessé. Endommagé, il cherche à se reposer. Il est là, bien étendu, attendant l'inattendu, à se faire saigner. Vous êtes de retour à l'antenne de Connaître Ensemble, en fait, avec les étudiantes du bac en pratique sage-femme. Profitez-en, c'est notre dernière émission avant la semaine de relâche. Et oui, nous aurons deux semaines consécutives où il n'y aura pas d'émission, ce sera des rediffusions. Alors, nous sommes toujours en compagnie d'Hélène Dadvonker, qui, cette fois-ci, nous parlera de sa thèse de doctorat, qui s'intitule « La naissance au Québec à l'aube du troisième millénaire ». De quelle humanisation parle-t-on? Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été la motivation, la source de ce long travail, cette thèse de doctorat? Bien, c'est en fait mon implication dans tout le dossier de l'accouchement. Pendant toutes mes études universitaires, maîtrise et doctorat, tous mes travaux portaient sur quelque chose qui avait un lien avec l'accouchement. Donc, je me posais beaucoup de questions, puis j'avais envie de voir aussi, étant donné que on était rendu 20 ans après les colocs accoucher ou se faire accoucher, je voulais vraiment voir si il y avait eu une évolution et quelle évolution. Et est-ce que c'est vrai que tout était rendu transformé, rénové, parfait, ou si il pouvait y avoir encore matière à se questionner, à questionner les soins. Oui. Alors, vous avez tenté, entre autres, de répondre à la question « Jusqu'où en est-on allé dans nos établissements en ce qui concerne l'humanisation de la naissance réclamée, comme vous disiez, par les femmes et des groupes au début des années 80? » Alors, à quoi vous attendiez-vous comme résultat par rapport à cette question si il y avait eu un changement dans les pratiques? Bien, je m'attendais évidemment à avoir constaté une évolution dans les choses, mais c'est jusqu'où elle allait. Je veux dire, c'est certain que j'avais quand même des échos d'accouchements. Les femmes m'écrivaient après avoir eu des accouchements des césariennes suite à la publication de mon livre, etc. Donc, je pouvais quand même avoir une idée de ce qui se passait, mais exactement et plus précisément et quoi, non. Je voulais... Et j'ai choisi un hôpital avec pratique progressiste, justement pour essayer d'attraper ce qu'il y avait de mieux au Québec en matière de pratique centrée sur les femmes et pouvoir justement regarder ça puis dire, bon, où on en est dans le meilleur des cas. Comment y êtes-vous pris? Comment avez-vous procédé pour faire cette recherche qualitative? Bon, au départ, je voulais aller, j'ai fait une enquête dans une quinzaine d'hôpitaux pour voir quelles étaient les pratiques, c'est-à-dire sur le plan des lieux physiques, sur le plan des routines, sur les taux d'intervention, pour justement choisir, au départ, je voulais choisir un hôpital avec des pratiques très progressistes et un hôpital médicalisé. Oui, les pratiques étaient plus médicalisées. Donc, j'ai choisi les hôpitaux. J'ai commencé, j'ai demandé au premier hôpital si je pouvais aller faire une étude sur les lieux. Ça a pris 5 mois pour avoir la réponse. C'est jamais rapide. Et après, le recrutement, je voulais observer, entre autres, des accouchements. Je voulais faire des entrevues, mais observer des accouchements à partir du moment où la femme était admise à l'hôpital après la naissance du bébé. Mais les femmes étaient réticentes, elles voulaient vivre ça, puis je comprends, là, seules avec leur chum ou leur mari. Donc, ça a pris 3 mois avant que je réussisse à avoir 15 femmes qui me disent oui et que je puisse observer, dont je puisse observer l'accouchement. Finalement, le tout, après ça, j'ai interviewé ces femmes-là, j'ai interviewé des médecins qui étaient présents lors des accouchements, des infirmières et des accompagnantes qui étaient là aussi. Donc, le tout a pris qu'à peu près 15 mois. Alors, au bout de 15 mois, là, je me suis dit, bon, et l'hôpital où je voulais aller, il y avait des circonstances qui faisaient qu'ils n'auraient pas accepté que j'aille faire une étude parce qu'il y avait quelque chose de touché qui s'était passé. Donc, ça a été, non, on veut que personne vienne m'observer ici. Donc, on a évalué qu'avec ce que j'avais assez de données pour faire une thèse. Et puis, quels ont été les principaux obstacles à la réalisation? Est-ce que cela s'est fait de façon fluide ou qu'est-ce qui ont été les choses peut-être les plus difficiles à surmonter pour arriver à effectuer ce travail? Ben, je dirais que dans l'ensemble, le travail sur le terrain, il y a eu des délais, là, mais c'est très bien passé. J'ai été très bien accueillie. On m'a donné accès à tout, aux documents qu'il y avait là. J'ai pu faire de l'observation générale aussi. J'ai pas senti de réticence du tout. Ça a très bien été. Ce qui a été difficile, c'est des circonstances relativement à ma direction de thèse. C'est que j'ai dû changer en plein milieu de façon inattendue, abrupte, de directeur de thèse. Donc, ça a été très difficile. Parce que j'étais déjà rendue dans l'analyse. On trouve pas nécessairement un directeur facilement, un autre directeur à cette période de la recherche. Donc ça, je m'en serais passée. Mais pour le reste, C'est très long faire une thèse de doctorat. C'est difficile. On pense que c'est une grosse maîtrise. Non, aux étudiants qui écoutent, c'est pas une grosse maîtrise, un doctorat. C'est un autre niveau. Je veux dire, faut vraiment faire une étude de A à Z. On embarque dans c'est quoi faire une étude, c'est quoi la rigueur que ça demande. On se fait donner du feedback par tout un chacun parce que c'est comme ça en recherche. Même les chercheurs chevronnés reçoivent du feedback de leurs collègues par rapport à telle façon de faire ou telle façon de faire. Donc, c'est tout un apprentissage, mais... Au total, combien de temps a pris la réalisation de ce travail? Ben, la thèse de doctorat, 5 ans. Puis tous les cours, 3 ans. C'est quand même impressionnant, effectivement. Ouais. Alors, parlez-nous un peu plus des conclusions ou des grandes... Ben, avant de tomber peut-être aux conclusions, les grandes lignes qui sont ressorties de votre recherche. Ce que j'ai vu, en fait, ma conclusion principale, c'est que l'humanisation... Oui, il y a eu une certaine forme d'humanisation des pratiques qui entourent l'accouchement. Je veux dire, on a créé des chambres de naissance, on a... dans l'endroit où j'étais, les infirmières étaient polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles accueillaient les femmes en travail et elles s'occupaient d'elles jusqu'à temps qu'elles partent de l'hôpital, là, avec les shifts, évidemment, à la limite des shifts, mais c'était pas une infirmière pour le bébé, une infirmière pour la mère, une infirmière pour... Donc, il y avait des très bonnes choses. Il y avait des bains tourbillons, il y avait de l'équipement pour faire les choses un peu différemment. Et on permettait, en général, aux personnes que la mère voulait avoir à côté d'elle, d'être présente. Bon, j'ai pas vu d'enfant vraiment, mais c'était possible. Il pouvait y avoir même un groupe de personnes. Donc, il y avait des ouvertures à ce que ça devienne un événement plus familial. Mais je dirais que, malheureusement, le déroulement de l'accouchement est encore contrôlé énormément par les intervenants. C'est-à-dire que, je veux dire, les femmes peuvent évidemment choisir si elles veulent une épidurale ou non, mais au-delà de ça, s'il va y avoir un déclenchement du synto, pas de synto, une rupture artificielle des membranes ou pas, ou ça, c'est pas vraiment les femmes qui décident. J'ai pu voir des femmes à qui ont qui ont jamais dit non, absolument, je veux pas, mais qui voulait pas être déclenché, qui voulait pas avoir du synto. Puis c'était pas toujours... C'est comme si... Le modèle qui demeure à l'hôpital, c'est un... Puis ça a pas... ça a vraiment pas... ça a essayé depuis. On veut avoir des contractions d'une telle fréquence, d'une telle force, d'une telle... Et ces contractions-là, c'est les contractions que donne l'hormone artificielle qu'on met pour stimuler le travail. Donc, une femme peut accoucher avec des contractions aux 5 minutes, mais ça va prendre plus de temps. Donc, il y a plus que la moitié des femmes... Plus de la moitié, c'est ça. La majorité des femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes dont le travail est stimulé. Par le synto qui est le stocine synthétique. C'est ça. Donc, puis il y a aussi de plus en plus de femmes dont l'accouchement est déclenché. Donc, je veux dire, de dire que les femmes, là, font des choix éclairés et qu'elles ont le contrôle sur ce qui se passe, non, pas vraiment. Puis ça s'est pas amélioré parce que, entre autres, je veux dire, la situation en obstétrique est difficile. Il y a de moins en moins de médecins. Il y a une pénurie d'infirmières. Donc, ça, je veux dire, c'est pire. Moi, je pense que la situation en ce moment est pire qu'elle était l'année où j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire en 2000-2001. Malheureusement. Et comment, dans le milieu médical, perçoivent-ils ces augmentations des interventions? Comment le voit-il? Ben, il y a des gens qui sont très concernés. À l'endroit où j'étais, bon, il y avait une philosophie écrite de soins centrés sur les familles. Oui, c'est ça. Dans la philosophie, on disait justement, on énonçait des choses qui ressemblaient quasiment aussi dans ce qu'on fait dans les maisons de naissance. Oui. Sauf que quand on regarde, puis qu'on observe, puis qu'on... Et moi, je suis au Comité national d'orientation de la périnatalité à l'Association pour la santé publique du Québec. Puis, en tout cas, j'ai l'occasion de rencontrer des infirmières aussi dans le cadre de mon travail, ou des infirmières-chefs qui sont préoccupées par les taux de césarienne. et les taux d'intervention. Et le fait qu'il y a une étude en ce moment, l'étude Charisma, un essai clinique sur la baisse des taux de césarienne au Québec montre qu'il y a quand même une préoccupation des obstétriciens gynécologues, des associations médicales pour les taux d'intervention, notamment la césarienne. C'est pas... Non, ils sont sensibles aussi à cette chose. Et à quel moyen pensent-ils pour réduire ces taux d'intervention? Mais cette étude-là, ce qu'ils vont faire, c'est que chaque milieu va examiner ses pratiques, va faire des audits, là, des revues de ce qui se passe. Ils vont déterminer des moyens, ils vont choisir, eux, des moyens qui leur conviennent pour essayer de baisser les taux de césarienne. Et il va y avoir... sur les 32 hôpitaux qui font partie de l'étude, il y en a la moitié qui vont avoir l'intervention, c'est-à-dire une action pour essayer de faire baisser les taux de césarienne, et la moitié qui n'auront rien, puis ils vont pouvoir comparer si ça donne quelque chose. Donc, non, il y a maintenant, mais ça ne fait pas longtemps que je sens qu'il y a une volonté d'essayer de faire quelque chose pour transformer les taux. Mais ça... Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des interventions médicales? Qu'est-ce que sont leurs impacts sur, justement, vous dites, bon, on augmente le taux de césarienne par, entre autres, les interventions que l'on fait. Pourquoi est-ce qu'on arrive plus souvent à des césariennes avec ces interventions-là? Qu'est-ce qui fait que le travail se déroule peut-être parfois de façon plus ardue? Mais les interventions, c'est beaucoup, ça donne beaucoup lieu. On parle de la cascade d'intervention, c'est-à-dire on fait telle chose qui amène telle autre, puis là, on essaie de corriger en employant quelque chose d'autre, et finalement, on se retrouve avec 6-7 interventions qui, au départ, n'étaient pas prévues, puis qui n'auraient peut-être pas nécessairement eu lieu si on n'avait pas... je sais pas, moi, je pense à la rupture artificielle des membranes. On pense que c'est un geste banal. Souvent, on le fait de routine, mais c'est un geste qui augmente la fréquence des contractions, la force, qui rend ça plus difficile pour les femmes. Donc, elles vont avoir tendance à plus demander une péridurale. La péridurale peut ralentir le travail, nuire à la rotation de la tête du bébé, augmenter la possibilité que l'accouchement se termine avec les forceps ou la ventouse en général. Donc, je veux dire, et une péridurale fait qu'on a une sonde urinaire, qu'on ne peut pas nécessairement bouger, qu'on ne peut plus s'alimenter, qu'on a un intraveineux, je veux dire... Est-ce que les femmes sont renseignées là-dessus, sur le fait qu'elles vont devoir être couchées, plus pouvoir manger à partir de ce moment-là? Pas nécessairement. Moi, je pense que face à la péridurale, les femmes ne font pas des choix éclairés. Elles savent ce que c'est, elles savent qu'elles en veulent une, mais elles ne savent pas nécessairement tout ce que ça implique. Et ce qui va peut-être se passer si elles en ont une aussi. Non? Vous avez mentionné le mot routine à l'hôpital où vous avez fait vos observations. Y avait-il certaines routines? Il y en avait. Même si on m'avait dit non, ici on fait rien de routine. Parce que routine, c'est tant qu'on pose des gestes sans raison particulière, de façon systématique. Oui, c'est des façons de faire qu'on a adoptées, qu'on continue. Il y en a qui peuvent essayer de les changer. Ça dépend des... les infirmières travaillent avec les médecins. Les médecins sont les premiers responsables de ce qui se passe. Les infirmières ne veulent pas nécessairement envenimer leur relation avec les médecins, donc elles vont... Il y en a qui ont un caractère différent puis qui vont pouvoir réussir à parler avec des médecins et tout, mais c'est quand même une organisation hiérarchique, donc c'est pas évident, même dans un milieu qui veut faire les choses autrement, d'arriver à le faire vraiment là. Puis la force de l'habitude, c'est beaucoup plus facile de rester dans les mêmes ornières que d'essayer de changer de chemin. Vous étiez déjà très impliqué à ce moment-là lorsque vous avez fait votre thèse de doctorat sur le sujet. Est-ce que vous avez quand même été étonné de certaines choses ou certains événements vous ont surpris quand même? Ben, je dirais que la chose qui m'a le plus surpris, parce que moi j'observais des accouchements là ordinaires de femmes qui venaient accoucher, puis c'était pas des femmes qui avaient une telle situation particulière ou quoi. Puis je les interviewais, puis c'est... Je veux dire, l'acceptation de ce qui s'était passé en général. Une des choses qui rend ça difficile, c'est que c'était un milieu où tout le monde était très gentil. Les infirmières, les médecins, veut dire l'accueil était très bon, on considérait les familles et tout. Donc, oui, il y en a qui ont vécu des choses qu'elles n'ont pas aimées, telles choses qu'elles n'auraient pas voulu. Il y en a qui ont dit, bon, en postpartum, il y avait parfois des choses qu'elles n'ont vraiment pas aimées ou n'importe quoi, mais... Je veux dire, c'est difficile de s'opposer quand on est dans un milieu gentil. Puis ce qui me frappe, puis ce qui me frappe aussi avec les nouvelles générations des femmes, les générations des jeunes femmes, c'est... D'un côté, elles veulent bon faire des choses, travailler, être en contrôle de leur vie et tout. Et de l'autre côté, il y a des, je veux dire, arriver à l'hôpital, c'est comme si c'est très difficile en même temps. Je l'admets là. Quand on est en travail, de s'opposer à quelque chose, être en travail, c'est tellement exigeant, tellement intense. Il y a une certaine vulnérabilité. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'un accouchement qui se déroule à l'hôpital, ben à l'hôpital, la femme adopte automatiquement le rôle de patiente. Je veux dire, déjà qu'elle met une jaquette, déjà que... alors que j'ai l'impression qu'en maison de naissance, puis certainement à la maison, les femmes sont beaucoup plus... je veux dire, la maison, c'est leur territoire. Et les maisons de naissance, c'est pas... C'est un lieu où on va donner la vie. C'est pas un lieu où on se rend quand on est malade et où on veut se faire... on veut qu'on nous sauve la vie. Donc, c'est l'influence des lieux aussi, hein. Oui. Mais disons que j'étais un peu étonnée de... C'est ça, de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce que ça a été... Leur acceptation de ce qui se passe. Est-ce que ça a été difficile pour vous de ne pas intervenir parfois? Oui. On imagine. Mais il fallait que je... Je veux dire, j'étais chercheur et je suis encore et j'observais. Et je veux dire, il y a des fois où je suis sortie et j'ai été braillée quelque part. Ébranlée par les événements. Oui, et puis je tenais un journal, donc je pouvais me pencher dans le journal. Mais c'est assez... bon, j'ai eu des enfants, je sais ce que c'est accoucher, mais c'est assez prenant de voir ça et aussi parfois de voir des choses là, avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais là, ah. C'est pas à nous d'agir à ce moment-là. Puis, parce que c'est vrai que ça peut aller jusqu'à une certaine gravité. Il y avait des extraits dans votre thèse qui parlaient des femmes qui s'étaient senties agressées. Dans le fond, qu'on sent leur consentement, on portait une action sur leurs organes génitaux et ça ressemble étrangement à la définition d'agression sexuelle et vous l'avez observé aussi de la part de certaines femmes. Puis la péridurale, malheureusement, les femmes n'en sont pas conscientes, mais elle rend possible. Il y a une femme que j'ai observée dont on étirait les tissus vaginaux de façon incroyable pendant l'accouchement, avant la poussée. Puis c'était, je veux dire ça, j'avais jamais vu ça. Puis les autres accouchements, je ne l'ai pas vu. Puis elle m'a dit pendant l'entrevue, c'est drôle, hein, ça m'a fait tellement mal les jours suivants, mais je n'y ai pas dit, mais la péridurale fait que, on peut faire ce qu'on veut de la façon dont on veut, puisque les femmes ne sentent rien. Ne sont plus en contact. Et la poussée aussi est dirigée, par exemple, par les infirmières. Ça, vous en avez parlé aussi. Oui. Nous avons regardé très brièvement votre thèse de doctorat ensemble. Et on pourrait vous demander d'ailleurs, par rapport à toutes les ce que vous avez observé, si vous aviez le ministre de la Santé devant vous, qui vous demandait que pourrait-on changer au système actuel pour humaniser les soins dans les départements de maternité, que le recommanderiez-vous? Ben, j'aimerais beaucoup l'avoir devant moi. Écoute, moi je dirais 3-4 choses très importantes. La formation. Si les sages-femmes pouvaient enseigner à tous les résidents en médecine, si les médecins, tous les médecins pouvaient faire des stages dans les maisons de naissance et à domicile pour voir ce qu'est un accouchement physiologique, ils sont vraiment pas exposés à un accouchement qui se déroule normalement et de manière physiologique. S'il y avait des accompagnantes, une accompagnante veux dire, on se fait pas d'illusions, il y aura pas de sage-femme pour toutes les femmes avant 200 ans. Soyons un peu plus optimistes. OK, soyons un peu plus optimistes. Disons 50. Et une accompagnante par femme qui est en travail et qu'elle n'est pas à payer pour ces services-là. Puis moi, je suis sûre que ça sauverait des coûts au gouvernement. Et c'est environ combien, savez-vous, présentement? Combien est-ce? Ça varie beaucoup. Ouais. Mais c'est entre quelques centaines de dollars à 1000 dollars, dépendant de ce qu'il y a, s'il y a des cours prénataux avec ça, si les fréquences de rencontres et tout, là. Mais c'est l'ensemble. Ça veut dire une accompagnante connaît la femme pendant la grossesse, elle est là pendant l'accouchement et elle revient et elle la voit après, donc. Oui. Et même que certaines des infirmières, dans ce que vous parliez, faisaient référence que certaines informations devraient être données par les accompagnantes, alors que c'est pas un service qui est pourtant offert à toutes les femmes. Sur justement la question du choix et les informations reliées à l'épidurale. Non, il faudrait vraiment que parce que c'est une des choses qui ont été le plus examinées à la loupe par des essais cliniques randomisés, c'est la présence d'accompagnants, ce que ça donne, non seulement pour la satisfaction des femmes, mais sur la durée du travail, sur le nombre d'interventions qui baissent, sur ci, sur ça. Donc, si c'était un gadget, ça fait longtemps que ce serait partout. Malheureusement, c'est une personne humaine. Et une troisième chose que je lui dirais, c'est de se renseigner sur l'initiative Amis des mères et l'initiative internationale pour la naissance mère-enfant. C'est des initiatives qui, il y en a une qui est d'origine américaine et l'autre qui est en voie d'être internationalisée, qui sont le pendant d'initiatives Amis des bébés, où les hôpitaux peuvent obtenir une accréditation pour devenir amis des bébés, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'allaitement, ils favorisent le contact mère-enfant, etc. Sauf que ça commence à la naissance. Alors que l'initiative Amis des mères et l'autre, version internationale, c'est ce qui doit se passer ou ne pas se passer pendant l'accouchement. C'est comment respecter les femmes pendant qu'elles accouchent, comment respecter le processus physiologique, faut qu'elles soient informées, faut qu'on leur donne les ressources, faut qu'elles aient accès à des solutions non pharmacologiques, faut que le personnel soit formé à d'autres solutions que la péridurale. Bref, s'il y avait toutes ces choses-là, ainsi que, hélas, une transparence qui n'existe plus sur les taux d'intervention et les routines en centre hospitalier. Avant, dans les années 90, le ministère mettait à la disposition des gens sur disquette, ça a commencé comme ça, tous les taux d'intervention dans les établissements du Québec en obstétrique. Ensuite, ça a été sur le site web. Et malheureusement, pendant longtemps, on a eu les taux de 2000, 2001 jusqu'à 2008, je pense. Et là, ils sont rendus jusqu'à 2004, mais je ne les ai pas vus pour chaque établissement. Il faut que les femmes puissent savoir ce qui se passe à l'endroit où elles prévoient accoucher. C'est quoi les routines pour c'est quoi les protocoles? C'est quoi les taux d'intervention? Et aux États-Unis, c'est un mouvement qui commence. Là. On commence à demander, il y a même une organisation qui s'occupe de recueillir des témoignages des femmes et qui va chercher des statistiques pour les hôpitaux, puis qui montre une grosse banque de données pour facile à consulter sur Internet. Ça serait déjà beaucoup. C'est-à-dire de la formation à la physiologie, de l'accompagnement, une transparence sur les statistiques et aussi sur le plan formation continue, une obligation d'assister à des mises à jour sur le plan scientifique. C'est étonnant de voir à quel point il y a certaines pratiques qui ne sont pas fondées sur des résultats d'études. Vraiment, je pense que ça changerait beaucoup de choses si tout ça était fait. On avance déjà dans l'émission, nous avons presque terminé. Pouvez-vous nous dire rapidement sur quoi vous travaillez présentement et avez-vous d'autres ouvrages que vous nous dévoilerez bientôt? Ben, j'aimerais continuer à écrire, j'aimerais écrire d'autres livres. Mais en ce moment, je suis co-chercheur sur l'étude Carisma sur la baisse des taux de césarienne dont j'ai parlé. Je suis co-chercheur aussi sur une petite étude sur la façon dont les femmes sont traitées pendant qu'elles accouchent. Qui est un peu une suite de ma thèse. Là. C'est ce que j'aurais aimé faire pendant ma thèse et que je n'ai pas fait. Donc, ça, avec un centre de recherche de l'Université de Montréal. Et je coordonne une étude qui est avec des femmes immigrantes enceintes. D'ailleurs, Isabelle Brabant travaille à cet endroit qui s'appelle la Maison Bleue, qui est située près de la maison de naissance Côte des Neiges. Ça, c'est très intéressant parce qu'on regarde comment les femmes se sentent portées. Qu'est-ce qu'elles vivent quand elles arrivent ici, puis qu'elles sont enceintes, puis qu'elles sont immigrantes, puis comment est-ce qu'on peut les soutenir, les porter de façon à ce qu'elles puissent... que ça soit plus facile pour elles de s'occuper de leur bébé, etc. Donc, c'est trois projets qui me tiennent occupée. Et comme mon livre vient de sortir, ben, je m'en occupe. J'espère qu'il va être traduit en d'autres langues. J'ai déjà commencé des démarches pour le faire traduire. Alors, c'était Hélène Padbonker, l'auteure de son plus récent livre, Une autre césarienne ou un accouchement naturel, s'informer pour mieux décider. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Ben, merci, ça m'a fait très plaisir. Alors, les deux prochaines semaines, vous aurez l'occasion d'entendre des rediffusions et nous reviendrons en force après la semaine de relâche. À dans deux semaines!